Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold, j'espère que vous allez bien. Solid Gold, chaque semaine, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. Un album fil rouge chaque semaine. Cette semaine, on va se plonger au cœur des années disco puisqu'on va aller en 1979. Notre album fil rouge, ce sera l'album d'Earth, Wind and Fire, un album qui s'appelle I Am. On vient d'entendre la chanson qui était le gros tube de cet album, In the Stone. Il y aura bien sûr plein d'autres artistes. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. Voici un nouvel extrait de cet album, I Am, d'Earth, Wind and Fire. La chanson s'appelle Can't Let Go. get away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to begin the off. Our love will climb any mountain, near or far. We are, and we never let it end. We are devotion. It don't make any difference to me what the world thinks about us, baby. 'Cause in my heart I will always believe that we were meant for each other. Love ain't got no color. It don't make any difference to me what they see. All you gotta do is look at me. Three generations of my family, you see. People treat you different. We're in between. He was black and she was white. You know that most people thought that it wasn't right. I can still remember what she used to say. It don't make any difference to me what the world thinks about us, baby. That we were meant for each other. Love ain't got no color. It don't make any difference to me. And every time I look at you, deep in your brown eyes, I see what you're going through. The streets are different when you're in between. And I can feel it every day. The whispers, the words that they think I don't even say. Before you let a tear fall, remember, girl, it don't make any difference to me what the world thinks about us, baby. 'Cause in my heart I will always believe that we were meant for each other. Love ain't got no color. It don't make any difference to me. Change, but I really don't think they will. I know you know it. And baby, we could run away, but then we'd be running from them. Do you know it? Do you know? Do you know it? And baby, I'm telling you now, don't you ever look down, don't you ever look down again. Just remember, what the world thinks about us, baby. 'Cause in my heart, C'est un désespoir montant de la soul, c'est son premier album. Il s'appelle Kevin Michael et la chanson s'appelle It Don't Make Any Difference To Me, Il Faudra Le Suivre. Juste avant, c'était, bon, des valeurs confirmées, Barbara Streisand avec Barry Gibb et la chanson Guilty, chanson qui était la chanson titre de l'album qu'ils avaient fait ensemble en 1980. Juste avant, l'année d'avant, 1979, c'était l'album I Am d'Earth, Wind & Fire. C'est notre album fil rouge ce soir. Tout à l'heure, on a écouté le plus gros tube. C'était In the Stone, grande chanson. Mais il n'y avait pas que celle-là qui a fait un tube. Il y a eu aussi ce magnifique slow langoureux écrit par David Foster, After the Love Has Gone. C'est la chanson qu'on va écouter maintenant. Et juste après, il y aura un grand classique. On aime bien aussi écouter les grands classiques dans Solid Gold. I Heard It Through the Grapevine, version Marvin Gaye. After the love is gone, after the love is gone. Just a poor boy, he had nowhere else to go. Now there's gonna be a time when a woman don't need no man. Gonna be a time when a woman don't need no man. So hush your mouth, man. Stop raising sand. set my suitcase down. Said I went down to the depot, and I set my suitcase down. You know the blues overtook me, tears come rolling down. Must be out of town. The man that I love must be out of town. He left me this morning with his face in a permanent frown. The train I ride, you don't burn no coal at all. Train that I ride, it don't burn no coal at all. And the coal that my baby's burning, everybody, everybody, oh, did the cannonball. $0.50. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes but 2 hours of pushing broom. Buys a 8x12 four-bit room. Mama, man of means by no means, king of the road. Where we headed? Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. Every inch engineer on every train, and all of the children, all of their names, and every handout in every town, every lock that ain't locked, no one's around. I sing trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room, mama. Man of means by no means king of the road, king of the road, king of the road. C'est un album très particulier qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir dans Solid Gold, un album de duo de Dean Martin avec d'autres artistes, mais qui, sur le mode de l'album de Natalie Cole, où elle faisait un duo avec son père, des faux duos, puisque c'est Kevin Spacey qui chantait avec Dean Martin, King of the Road. Oui, oui, Kevin Spacey, l'acteur de Usual Suspects, entre autres. Et puis juste avant, c'était Cassandra Wilson, Easy Rider. On va retrouver Earth, Wind & Fire, puisque c'est notre... groupe Fil Rouge, ce soir notre invité Fil Rouge, la chanson s'appelle Let Your Feeling Show. Il y a tout le monde, hein. Il y a Maurice White, il y a Philippe Bellet, toute la bande d'Earth, Wind & Fire est là, et puis juste après nous retrouverons Madame Cissy Houston avec Any Guy. We'll be right back. looked in your eyes. But it could have been any guy's. It could have been any guy's eyes. But your eyes were there, and they started to stare. But don't think that I care. No, no, no. And now you've got the feeling you're great, 'cause we shared a few looks and then made one mistake. But it could have been anyone. I was looking for that kind of fun, and you were right there, in love or despair. But don't think that I care. Now you got a new friend I know, so I'm packing my things. Yes, yes, I'm going to go. Please, please, please don't make a scene. Don't cry. You can't stop me if you try. I love being free. It's the best way to be. Is she as pretty as me, huh? Is she as she as pretty as me? Is she? Is she as pretty as me? Is she? Is she? I've got to know. Is she as pretty as me? Is she? Is she? Is she? Is she as pretty as me? Please tell. Is she as pretty as me? Thank you. see I haven't been the same since that cold November day. We said we needed space, but all we found was an empty place. And the only things I learned is that I need you desperately. So here I am, and can you please tell Souvent Solid Gold, c'est une affaire de famille. À l'instant, Whitney Houston avec Where the Broken Hearts Go. Puis un petit peu avant, il y avait Maman, C.C. Houston, Any Guy. Et entre les deux, un homme avec une belle barbe blanche. Ce n'est pas le Père Noël, c'est Michael McDonald. Avec un de ses plus gros tubes aussi, I Keep Forgetting. Je vous ai dit qu'il y avait que deux tubes sur l'album I Am de Earth, Wind & Fire. Petit joueur, il y en avait un autre qui a fait danser tout le monde en cette année 1979. Vous allez le reconnaître tout de suite, la chanson s'appelle Boogie Wonderland, bien sûr. Boogie Wonderland.

to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. My dreams on the wings of everlasting. Les années 70 dans Solid Gold avec Phyllis Hyman et You Sure Look Good To Me. Les années 60 avec les Beatles et You've Got To Hide Your Love Away. Et les années 90 avec Al Jarreau et Heaven and Earth. On se balade partout chaque semaine dans Solid Gold, dans le monde de la variété anglo-saxonne. On écoute du jazz, de la country, de la pop, un peu de rock, pourquoi pas du jazz, du blues, de la funk. On aime bien mélanger les genres et on aime bien surtout vous faire découvrir un album dans son intégralité. Cette semaine, c'est Earth, Wind & Fire qui s'y colle avec un album de 1979, album qui s'appelle I Am. On va retrouver tout de suite un extrait de cet album. La chanson s'appelle Star et puis après, ce sera Donny Osmond qui reprend une chanson de Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love. friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you and I won't let go. Some people go around the world for love, but they may never find they dream of. What you won't do, do for love. You try everything, but you don't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. My name. Dans Solid Gold, le temps d'une chanson, on s'est téléporté jusqu'à Seattle et le Seattle Grace Hospital, puisque c'était le générique de Grey's Anatomy, Cozy in the Rocket, par le groupe PSAP. Et puis juste avant, 1968, très belle année, Dionne Warwick. Dites donc, 1968, ça fait 40 ans, non ? Elle est dedans. Dionne Warwick, The Valley of the Dolls. Nouvel extrait de l'album Earth and Fire en Solid Gold. L'album I Am, un album de 1979 que l'on découvre ce soir. La chanson s'appelle Wait. Et puis ensuite, Standard du Jazz par Robin McKell, Night and Day. Just watching the phone. neither near to me or far. It's no matter, darling, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this yearning for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Thank you. Ah bah oui, quand on parle de légende de la soul, on peut parler aussi bien sûr de Smokey Robinson. C'était Smokey Robinson and the Miracles avec You've Really Got a Hold on Me. Juste avant, B.J. Thomas, la classe de la variété américaine Tomorrow Never Comes. Earth, Wind and Fire. Bon, on peut pas vraiment dire qu'ils avaient la classe au niveau des vêtements, mais seulement, bon, c'était assez extraordinaire quand même ce groupe Earth, Wind and Fire. Ils continuent d'ailleurs de tourner à travers les États-Unis. Rock That, c'est l'extrait de cet album I Am qu'on va écouter. Et puis Earth, Wind and Fire a commencé à la fin des années 60. Elles étaient déjà séparées, en tout cas pour le groupe d'origine que l'on va écouter, les Supremes, avec Baby Love. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler de qui est l'original de cette chanson, Sorry Seems to be the Hardest Word. Là, c'était une reprise avec Richard Marx, romantique, n'est-ce pas? Et puis Kenny J et son saxo magique, bien sûr. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie d'Earth, Wind and Fire, qui était notre groupe invité fil rouge ce soir avec cet album I Am, un album de 1979. L'un des plus gros succès d'Earth, Wind and Fire. L'année d'après, ils sortiront l'album Raise avec Let's Groove. Et oui, c'était les grandes années d'Earth, Wind and Fire. On va se quitter avec le dernier titre de cet album, You and I. Faites de beaux rêves, à bientôt, salut.